Bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, on a la particularité d'avoir seulement des nouveautés. Alors, on va se faire plaisir avec Elsmer d'Italie, Lunatic Soul de Pologne, Peau des Blues du Pérou, Rain d'Angleterre, Osiris du Bahreïn, Witchwood d'Italie, Submarine Silence d'Italie, Céleste d'Italie et Marathon, Mark Kelly's Marathon d'Angleterre. Alors, le premier bloc de l'émission est habituellement consacré à l'album de la semaine et aujourd'hui, bien, on a le groupe italien Elsmer. Elsmer, c'est le projet du guitariste de Taproban. Son nom, c'est Roberto Vitelli. Il nous propose un troisième album studio du nom de Weird. Et la particularité de cet album-là, c'est qu'on a une brochette d'invités assez spectaculaire. Je vais en nommer quelques-uns. Il y a Tony Pagliuca de Léormé. Il y a Thomas Bodin de Flower Kings. Il y a David Jackson de Van de Graaff Generator, David Cross de King Crimson et John Hackett, là, le flûtiste frère de Steve Hackett. Alors l'album est sorti il y a quelques jours. C'est un album qui contient 5 pièces. C'est quand même assez court. 43 minutes de musique dense et complexe et c'est probablement dû à la présence de Mathias Olsson du groupe Anglegard. Alors il va tout de suite avec Elsmer. Thank you. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Avant de débuter le deuxième bloc de l'émission, on va faire un petit retour en arrière avec ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était trois extraits du nouvel album du groupe italien Elsmer et l'album s'intitule Weird. Et je l'appelle W-Y-R-D. Pour le libellé exact de tout ce qui se joue à l'émission, bien, je vous invite à consulter, comme à l'habitude, la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Alors, pour ce deuxième bloc, bien, on débute avec une formation polonaise qui s'appelle Lunatic Soul. En fait, c'est le projet parallèle du chanteur de Riverside, Mariusz Duda. Il est déjà rendu son huitième album studio en presque 12 ans, donc il est assez créatif et prolifique. Et l'album qu'on va entendre, il s'intitule Through Shaded Woods et la pièce Summoning Dance. Tout de suite après, on va aller au Pérou avec un nouveau groupe du nom de Po Di Blue. Et c'est un premier album. L'album s'intitule Beneath the Consciousness et la pièce est Immersion. Et on va conclure avec un nouveau groupe du nom de Rain. C'est un groupe de quatre musiciens formés principalement de deux membres qu'on a connus dans le passé. Mais premièrement, il s'agit de John Jovitt, qui était l'ancien bassiste de IQ. Et il a aussi joué pour Arena. Et on a le batteur Andy Edwards, précédemment qui a œuvré avec les groupes Frost et IQ. Alors, ils ont pondu un album qui s'intitule Singularity. Et la pièce que je vous propose, c'est Walk Away. Alors, on y va tout de suite avec Lunatic Soul de Pologne. The left. hurt to keep starting over from scratch, put that to rest. I didn't like myself and what I'd become, and I was tired. 3 stones on the right side, 3 stones on the left. My vicious circle of life and death. Oh, I will try to make up until you leave. just like to watch all things pass by. Let time run away, taking everyone's destiny with it. I don't want to be worried about how short life is. I just want to take this moment. I want to stay. That's what I need. Yeah. Face to face interaction. your sense of meaning to question your purpose and your direction. A new world is here before you, and no one knows what to do. No. Take a day, isolate, walk away, hesitate, take a day, isolate. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Juste avant la pause, on avait le groupe britannique Rain. Et tiré de Singularity, leur plus récent album, on a entendu la pièce Walk Away. Et juste avant, on avait le groupe péruvien Pau Di Blue et la pièce Immersion tirée de Beneath the Consciousness. Et en tout début de bloc, on avait de la Pologne, le groupe Lunatic Soul et la pièce Summoning Dance. Maintenant, on va aller du côté de Bahreïn. Bahreïn qui, à mon avis, est le pays d'un seul groupe de rock prog. Il s'agit d'Osiris, qui a été populaire dans les années 80 avec deux albums. Il y a eu une longue éclipse jusqu'en 2007, et où ils ont produit leur quatrième album, et depuis ce temps-là, ça a été le silence. Donc, 13 ans sans rien sortir, et maintenant, on a droit à Take a Closer Look, et tiré de cet album-là, je vous ai choisi la pièce-titre. Ensuite, de l'Italie, il y a le groupe Witchwood, qui nous a sorti son troisième album studio. L'album s'intitule « Before the Winter » et la pièce qu'on va entendre, c'est « Hesperus ». Et on va conclure avec « Submarine Silence », qui est aussi un groupe d'Italie. En fait, c'est le projet parallèle des membres du groupe « Moon Garden ». Et l'album qu'ils ont produit récemment, c'est « Did Swans Ever See God ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Echoes of Silence, Part 2 ». Alors, on y va avec « Osiris ». Thank you. Thank you. got some bitter loss. Chattels of the fearing dreams, lost in you, and nothing but peace in my hands. Just a grasping, meaningless existence. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voilà donc rendus au dernier bloc de l'émission et pour l'occasion, j'ai une nouveauté. C'est un peu une primeur parce que le groupe Celeste d'Italie va sortir son 5e album studio dans quelques jours. Et quand je parle de primeur, c'est parce que j'ai participé au financement et Ciro Perino a eu la gracieuseté de m'envoyer les fichiers digitaux de l'album. Alors, je vais aujourd'hui vous en proposer deux. Le premier, c'est Nora. Et le deuxième, c'est Tourmeraï Tramonto. Et ensuite, du côté de l'Angleterre, nous est apparue une nouveauté. C'est le claviériste du groupe Marillion. Il s'agit de Mark Kelly, qui a sorti un album sous le nom de Mark Kelly's Marathon. L'album, ben, c'est l'album homonyme, duquel j'ai tiré la pièce Amelia, qui se décline en trois volets. Et je tiens à remercier Serge Marcoux pour la chronique qu'il a écrite sur le site profilprog.com. Alors, on y va avec Celeste. Salut, je suis Ciro Perino, du groupe italien Celeste. Et vous écoutez Rock des Neurones sur le FM 89,1 de Trois-Rivières au Québec. Vuota l'altra metà. da orizzonti ormai sfumati. Acqua non più pura, permeate cavità. Persa è la corona, nuovo accesso alla tua mente. Tornerai tramonto da una piega del Tonan. Ombra sulla terra da creature senza volto. Madre senza figlio nell'attesa di un albore. Un vento delicato sta cancellando lentamente alcune orme lasciate nella sabbia della dune. I granelli di sabbia fine e soffice riempiono i fragili avvallamenti. Qualcuno è passato. Qualcuno passerà. Il vento si è fatto brezza. Ma adesso l'aria è immobile. Nessun segno sulla terra. Il principe ha deciso. Ne scorgo l'ombra nella nebbia. Ora il sentiero. Ora il lago. Il principe tornerà. Forse. Forse. shadow there on the waistband of the world. Signal sent but not received. Just some code we don't understand. Sometimes we lose the very thing we need. Now in a Lockheed Electra, I'll be a just frenemy. Living in Kamau Islands, whistling at the sea. I think it's hers, but she swears it belongs to me. Maybe we'll use it, send out a message. Maybe we'll use it to send out a message. Maybe we'll use it. Choices pointing to an ending. All those inner voices leading us astray. Fred, I'm a little weary to sit down underneath that tree. Oh, Fred, if I should die here, do you think they'll know it's me? If they find our skulls and bones, Fred, like two pirates of the sea, will this sextant box and bottle be the clues that they will need? Over there, the sextant box. So they sent it off to Fiji. And a pile of bones and leather, and this bottle on the floor. Up on Gardner Island, you could not buy Benedictine. And the bones that lay there glinting in the sunlight on the shore. Amelia, 13 bones in the sand, a mystery just like man. So Noonan became no one, he's nothing now but dust. 13 bones don't exist. Photographs of all that persist. The truth, yeah, the death's the same.